بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل الآن في المسألة 21. On prend la 21e masala de ce livre. في قوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Que nous avons certes déjà clarifié les signes ou les versets pour un peuple qui en est convaincu. Surat al-Baqarah, verset 118. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين. La parole de ce verset laisse entendre que le bayan, l'éclaircissement, n'est spécifique qu'aux gens qui sont convaincus. وقد جاءت آية أخرى تدل على أن البيان عام لجميع الناس كقوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Et que d'autres versets sont venus pour démontrer justement que ce bayan, cet éclaircissement est général et pour tous les gens. Comme dans sa parole, dans le sens où il dit, et c'est de cette façon que Allah éclaircit ses versets pour les gens afin qu'ils craignent. Sourate al-Baqarah, verset 187. وكقوله هذا بيان للناس. Et ceci est un éclaircissement pour les gens. Surat Al-Imran, verset 138. قال رحمه الله تعالى ووجع الجمع أن البيان عام لجميع الخلق إلا أنه لما كان الانتفاع به خاصا بالمتقين خص في هذه الآية بهم لأن ما لا نفع فيه كالعدم ونظيرها قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها وقوله إنما تنذر من اتبع الذكر مع أنه منذر للأسود والأحمر وإنما خص الإنذار بمن يخشى ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع به. Donc il a dit, la réponse en cela, c'est que le bayan, d'accord, est général pour toute la création, et particulièrement pour les mukallafin. Hormis du fait que ce bayan n'apporte de profit qu'à aux muttaqin, à ceux qui sont pieux, et ceux qui ont une certitude. Donc le verset est venu spécifier ces gens-là. Car la chose qui ne t'apporte aucune utilité est comme une chose inexistante. Chose qu'on a déjà citée dans les douloureux précédents. Et l'exemple de cela, la parole de Allah dans le sens où il dit, et tu n'es qu'un avertisseur pour celui qui l'a créé, c'est-à-dire l'heure. Surat al-Naziat, verset 45. Vous voyez, c'est-à-dire tu es un avertisseur pour celui qui l'a craint. Et sa parole, dans le sens où il dit, et tu ne fais qu'avertir celui qui suit le rappel. Surat Yassin, verset 11. Donc dans ce verset-là, Allah spécifie que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est là que pour les gens qui suivent le rappel et que pour ceux qui craignent l'heure. Et pourtant, Allah Azza wa Jal a envoyé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme avertisseur pour tout le monde. D'accord ? Pour tout le monde à la base. Mais cependant, cet avertissement a été spécifié pour les gens qui le craignent et ceux qui suivent le rappel, car eux en tirent profit. D'accord ? Ceux-là sont les seuls qui en tirent profit. Donc voilà pourquoi ils ont été cités et pas les autres. Comment c'est de cette façon-là qu'on arrive à différencier entre les versets généraux et spécifiques, où des choses sont employées pour tout le monde, et après des mêmes versets avec un même jugement viennent pour des gens particuliers. وقد مرت بنا هذه مسألة في درس سابق. نعم. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.